Les copains, voyons, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aller au cinéma? Oh, c'est la barbe. Ah, j'ai une idée. Pour s'amuser, je connais l'endroit. Pour danser le Madison Twist. Ce soir, venez tous avec moi. Pour danser le Madison Twist. Oui, retrouvons-nous là-bas, Sylvie. Ok pour le Madison Twist. J'ai peu d'argent, mais ça suffit. Pour danser le Madison Twist. Allons-y, les amis. Sylvie, n'oublie pas, on a rendez-vous en piste. Allons-y les amis. Et Sylvie, n'oublie pas, on a rendez-vous en piste. Vous ne pouvez pas résister. Oui, dans vos deux mains, oui, vous frapperez. Sur un tempo bien balancé. Oui, c'est ça le Madison Twist. Ah, croyez-moi, oh oui, ça va chauffer. Ok pour le Madison Twist. Allons-y les amis. Oh, c'est le Madison Twist. Et Sylvie, n'oublie pas. Oh, c'est le Madison Twist. On a rendez-vous en piste. Allons-y les amis. Oh, c'est le Madison Twist. Et Sylvie, n'oublie pas.